Chapitre 2. À quelques pas en avant marchait une forme brune, la tête enveloppée d'un voile épais, aux plis serrés. Il n'eut pas besoin de regarder deux fois. Un tressaillement de son cœur lui avait appris le nom de cette promeneuse hardie. En toute autre circonstance, il eût peut-être rebroussé chemin. À quoi sert de se parler quand on ne peut s'entendre? Mais il est des jours où un esprit de vaillantise et d'audace s'empare de nous et nous porte plus loin que ne le voudrait notre raison si on la consultait. Roger doubla le pas et rejoignit la promeneuse. « Par ce vent affreux ?» lui dit-il, au moment où il se trouva près d'elle. Elle tressaillit aussi, non de frayeur, et répondit « Rien au monde n'est plus beau. C'est mon avis, » dit Roger. Ils se remirent à marcher de conserve dans l'air apaisé de ce coin de vallée protégé par une haute colline. « Vous allez loin ?» demanda-t-il au bout d'un instant. « Jusqu'au rivage. Je suis sorti exprès pour voir l'effet de ce soleil étrange sur cette mer en furie. Il y a là un contraste qui me navre et qui m'attire. N'est-il pas vrai que le soleil ne devrait briller que sur des scènes de paix, sinon de joie ?» « Les malheureux ont pourtant quelque droit à un peu de consolation, » répondit Roger. « Ah » reprit-elle avec amertume, « un tel soleil ne console pas. Il ne fait qu'éclairer les souffrances, et les souffrances préfèrent l'obscurité. » Roger ne répondit pas. Il ne voyait plus l'océan, et une sorte de calme semblait renaître en eux. Après quelques minutes, il interrogea encore sa compagne, mais avec une espèce de soumission mélancolique. « Vous vouliez quitter ce pays ?» dit-il, n'avez-vous point changé d'avis ? Que sais-je ? Répondit-elle avec amertume. Est-ce que je sais ce que je veux ? J'en viendrai à me fuir moi-même. Mais cela, c'est ce qu'aucun voyage, si lointain qu'il soit, ne peut me donner. J'ai vu bien des contrées, et mon humeur est toujours la même. Elle ne changera pas. Allez. Détestez-vous ce pays plus qu'un autre ? Demanda-t-il. Avec cette même tendresse craintive que démentaient ses yeux hardis et sa bouche résolue. Elle secoua la tête sans répondre. Une douceur fugitive détendit ses traits contractés par la douleur. « Non, plus que tout autre, je l'aime ou j'ai cru l'aimer. J'y serais morte avec joie. Mais je ne peux pas mourir. Rien ne me tue. » L'amertume reparut sur ses traits délicats. Il fit de la main un geste plein de colère hautaine. « Il faut que je m'en aille, » reprit-elle aussitôt. « Oui, il faut que je m'en aille. Je n'ai que trop attendu. » Elle prononça ces derniers mots d'une voix toute pleine de reproches et d'angoisse. « Vous pourriez être heureuse ici, » reprit Roger. « Vous y êtes aimée. Vous ne le serez jamais mieux ni plus ailleurs. Mais ailleurs, on vous attend sans doute. M'attendre ? Et qui, grand Dieu, m'attendrait ? Où ? Je n'ai plus rien, ni patrie, ni famille. J'ai tout brisé autour de moi. J'ai changé mon or pur contre du cuivre empoisonné. Et depuis lors, personne, non personne, entendez-vous, Roger, ne m'aime ni ne m'attend. » La route tournait subitement. Une rafale aiguë leur ferma la bouche à tous les deux. Le rivage était proche. Sans se toucher la main, sans presque sembler se connaître, ils gravirent le mur de galets que les hautes marées élèvent chaque fois et qui protège le village contre les coups de mer. Puis ils s'arrêtèrent pleins d'une horreur sacrée. À 10 pas d'eux, battant son plein, la mer attaquait la terre, sa vieille ennemie, avec la rage de sa plus formidable colère. Quelques pouces de plus, et la digue protectrice était franchi. Mais le soleil déclinait vers l'horizon, et pour ce jour-là, l'océan n'irait pas plus loin. La violence du choc faisait trembler sous leurs pieds l'amas de galets mal entassés. Un frisson, non d'épouvante, mais de respect pour cette force indomptable, les secouait de la tête aux pieds. Ils s'assirent sur le galet, à quelque distance l'un de l'autre. Étroitement enveloppé dans son vêtement d'un brun très foncé, qui laissait deviner son corps svelte et nerveux, la tête légèrement inclinée en avant sous le voile qui serrait ses tempes et ses cheveux noirs, elle semblait la statue de la contemplation. Roger ne voyait que son profil délicat de médaille grecque, et cependant, il sentait le regard de ses yeux verts se fixer sur les vagues comme pour les interroger. Dans cette courte conversation sur la route, elle venait de lui révéler la plaie de son cœur, jusque-là, si obstinément cachée. Elle avait aimé au loin, sans doute, car de ce pays qu'elle habitait depuis 2 ans, personne ne savait rien d'elle, sinon qu'elle était bonne et charitable, assez riche pour n'avoir besoin de personne, assez simple pour ne rien posséder de meilleur que les autres, assez réservée pour que personne n'ose l'interroger.